toi. DJ Case, tu n'as vraiment aucune pitié. Ma chérie, combien tu t'appelles? Monsieur le fils de pute qui parle même des légas. Tous ces enfoirés, chez qui passent au marouin, c'est pas ta mentir. J'ai pas de fiche de pêche, je connais pas mon salaire, mais je parle des Gucci. On m'a dit qu'à fouguette la concurrence, je vois que des abrutis. La famille ce soir en pire, c'est vous sur Régime. DJ Case, on se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Gratuité, hey, c'est la gratuité. DJ Case pendant 2 heures sur Rail Supreme. Skyrock, lourdeur, c'est tout ce que j'ai à dire. J'attire les ennuis, j'attire les photos. On a peur, on s'ennuie. pour Paris. Vidan, vidan, vidan, vie. En gros, Nidia, non, c'est bon. Toute la tête des musiques en force. Ibo, non, son gars, c'est fort. Suprême. C'est Rail Suprême sur Skyrock.

bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Rail Suprême. Minuit, 2h. DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock.

عايش سيستم برو Regarde-moi

DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock.

sans peur de nous à se séparer. Laissez parler, je souhaiterais nous séparer. Non, non, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. J'ai dit jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. J'ai dit jamais. Choqué, choqué, on va les chez coucher couille, ils vont chez cacher ca comme d'hab. Choqué, choqué, on va les chez coucher couille, ils vont chez cacher ca comme d'hab. Ils veulent nous tester comme d'hab, ils vont regretter comme d'hab. Nous ambiancer comme d'hab, DJ Case c'est comme d'hab. Hein? DJ Case, Houston, pour moi et musique, comme d'hab. Ouais, comme d'hab. Comme d'hab. Skyrock.